En vanne, chez les Grésillons. Savez-vous un nom plus charmant que celui de Groix, en breton Groix, qui veut dire fée? Au soleil de midi, sous un ciel clair d'août, nous nous embarquions à l'Orient pour rendre visite à l'île. Sitôt le vapeur en marche, un admirable panorama de mer s'ouvrit devant nos yeux. L'immense estuaire étincelait, baignant à droite et à gauche des grèves aux sables éclatants, des promontoires finement découpés, des îles blondes, comme alanguies par la sieste sous les panaches immobiles de leurs pins. Partout des villas, des villages, des grappes de maisons riantes aux noms sonores, l'Armor, Kéroman, Penmané. Briseux avait raison. Cette langue vannetaise a de mélodieux arrangements de syllabes, d'une douceur hellénique. Port-Louis, vers le sud, semblait une bourgade de légende bâtie sur les eaux. Nous venions à peine de franchir la passe et déjà, derrière nous, la terre avait fui, noyée dans une buée lointaine. Devant nous, en revanche, une autre terre surgissait peu à peu, flottante d'abord, imprécise, entrevue comme dans un mirage, mais qui bientôt s'accentuait en une espèce de haute fresque de pierre, semée çà et là de gazon fauve et nuancée des tons les plus délicats, de gris rose, de lilas tendre. Une houle plus ample balançait maintenant le vapeur. Nous traversions les coureaux, dont il était aisé de suivre les méandres, à des teintes plus claires moirant la surface de l'océan. C'est dans ces parages que se célèbre chaque année la cérémonie tant de fois décrite de la bénédiction de la mer. Quelques minutes plus tard, nous jetions l'ancre dans le port de Groix, placé sous l'invocation d'un des plus grands thaumaturges de l'émigration bretonne, Saint-Udy. Et qu'il est coquet ce port, avec ses môles de granit bleu, sa tour de guet blanchie à la chaux, ses barques aux formes harmonieuses, peintes de couleurs vives, ainsi que des felouques barbaresques ou des tartanes du Levant. Sur la marine, un joli groupe d'hyliennes, les mains croisées sous leur tablier de cotonnade à fleurs, dont les grands bas-volets se viennent épingler jusque sur les épaules, nous regardent passer avec un rire silencieux, une curiosité quelque peu narquoise. Dans leurs yeux, aux paupières longues, il semble que l'on voit luire toute la mer. Nous nous acheminons cependant par une route étroite et montante vers l'école de pêche, située dans la partie haute de l'île, au centre d'un large plateau dénudé où alternent les brousses rases, les pâtis et les chaumes. Sur le seuil de l'humble logis scolaire, nous attend le directeur de l'établissement, celui que les nombreuses générations d'élèves, sortis de ses mains, appellent avec une vénération reconnaissante le père Guillard. Peu d'hommes ont mieux mérité, non seulement de leur pays, mais de l'humanité. Ce ne fut pourtant au début qu'un modeste instituteur de campagne. Sa vie s'est passée tout entière parmi les clans marins du littoral morbihanais. Et il a eu longtemps, comme ses pareils, l'existence la plus obscure, la plus monotone. Seulement, il s'est ingénié à la rendre féconde. Des enfants qu'il était chargé d'instruire, la plupart étaient des fils de pêcheurs. Tout en les initiant au mystère de l'alphabet et de l'orthographe, M. Guillard fut amené de bonne heure à se demander s'il n'y avait pas à faire pour eux quelque chose de plus efficace peut-être, sinon de plus pressant. Il pensa, non sans raison, que sa qualité d'éducateur de futurs marins lui créait des devoirs spéciaux. Et d'ailleurs, il avait lui-même l'âme d'un homme de la mer. Tout ce qui touche à l'océan, à la vie du large, lui était un sujet de méditation passionnée. Et lorsque, vers leurs 13 ans, ses écoliers quittaient les bancs de la classe pour ceux de la barque paternelle, ce lui était un navrement de songer qu'on les laissait aller sans armes, en quelque sorte, aux plus aventureux, aux plus meurtriers des combats. « Parbleu !» disaient autour de lui les pères, hommes rudes, tannés, au moral comme au physique, par l'embrun, « ils feront ce que nous avons fait !» Une antique routine, en effet, transmise d'âge en âge, présidait seule, jusqu'en ces derniers temps, aux destinées des pêcheurs de nos côtes. C'était l'opinion courante que, pour le plus difficile et le plus dangereux des arts, il n'était besoin d'aucun rudiment. Il y fallait uniquement de la race, une expérience péniblement acquise et le souverain mépris de la mort. Monsieur Guillard ne craignit pas d'entrer en lutte avec le préjugé. Il commença par démontrer aux marins parmi lesquels il vivait qu'ils ignoraient de leur métier les préceptes les plus essentiels et, sans se laisser décourager par leur sourire, leur haussement d'épaules, il se mêla de les leur apprendre. L'humble maître d'école s'était rendu compte que des temps nouveaux exigeaient des méthodes nouvelles. Ce ne sont pas seulement les conditions du travail terrestre qui ont changé dans le cours de ce siècle. La pêche elle-même a subi la loi commune et des modifications se sont produites dans son régime, que des populations qui ne subsistent que d'elles n'ont plus le droit de méconnaître. Un exemple entre 20 autres. Jadis, les migrations de la sardine se faisaient à des époques régulières et par des chemins qui ne variaient jamais. Le poisson abondait au même moment dans les mêmes parages, comme une manne bénie. On savait la semaine, le jour et presque l'instant. Quelque ancien de la tribu, une sorte de voyant de la mer, grimpait la veille par des sentiers abrupts au sommet du promontoire le plus avancé. De ses yeux d'aigle, habitués à plonger dans les lointains, il fouillait l'immensité à peine éclairée des premières lueurs de l'aube. Et dès qu'il avait surpris au large une tache violâtre marbrant le gris azuré des eaux, vite il courait annoncer aux barques déjà sous voile la route suivie par le banc. Cet usage n'est point aboli, mais les vieux d'aujourd'hui ont beau interroger la mer, ils n'en reçoivent que de décevantes réponses. La sardine traquée et adoptée d'autres saisons et d'autres voies, et, de la plupart des espèces de poissons, il en est de même, poursuivie avec une âpreté qui va croissant, à mesure que se perfectionnent les engins, ils se dérobent comme ils peuvent, en se réfugiant dans des fonds inconnus, et la topographie des lieux de pêche en est toute bouleversée. Force est d'abandonner la routine, idole impuissante, et de s'adresser à de plus grands dieux. En outre, la mer n'est plus l'être bizarre et mystérieux, le monstre semi-bête, semi-femme, aux fantaisies tour à tour indulgentes et hostiles, que nos marins se sont plus longtemps à se figurer, d'après d'inconscientes réminiscences des antiques cosmogonies. On sait désormais que, comme toutes les apparences mobiles de l'univers, elle obéit, elle aussi, à des décrets immuables. La science a pénétré quelques-unes de ces lois, on a déterminé la marche des courants, et les vents eux-mêmes ont livré le secret de leurs caprices. Peu à peu s'est édifiée toute une théorie de la mer que ceux-là seuls continuaient d'ignorer qui avaient le plus intérêt à la connaître. Rien de pratique n'avait été tenté jusqu'à ce jour pour arracher les pêcheurs à leurs vieux errements. Les notions les plus élémentaires de la navigation au large restaient pour eux lettres closes. De là, tant de sinistres, tant de barques françaises jetées aux côtes d'Angleterre et d'Espagne, ou coupées en deux stupidement sur les lignes de passage des paquebots. Il y avait une œuvre de salut à entreprendre, des milliers, des vingtaines de milliers d'hommes à éclairer, à guider, à prémunir contre leur propre vanité et contre la plus effroyable des morts. Cette œuvre, M. Guillard s'y est attelé avec une ardeur d'apôtre, et il l'a menée à bonne fin. Il a commencé par prêcher d'exemple, devant des auditoires restreints. Bientôt, grâce à ses efforts, grâce aussi au concours de quelques personnalités dévouées, il se créait sur le littoral des sociétés locales d'enseignement professionnel pour les marins côtiers. Informé de cette initiative, le gouvernement, le président de la République l'encouragèrent. Une école de pêche fut fondée à Groix, avec M. Guillard pour directeur. Nous y pénétrons à la suite du maître. C'est l'intérieur d'une classe quelconque, des bancs grossiers, des tables tachées d'encre et de goudron. Ça et là, des cartes, des instruments de marine appendus aux parois. Au fond de la salle, une inscription, une seule, tracée en lettres noires sur la chaux de la muraille. L'alcoolisme, voilà l'ennemi. Une trentaine d'écoliers sont là, les uns, moussaillons imberbes encore frais et roses comme des filles. Les autres, déjà des hommes faits, avec des toisons hérissés, des mains énormes et des yeux aigus de pirates. Nous tombons à merveille. C'est le jour de distribution des prix. Quelques livres, offerts par la Société bretonne de géographie, sont empilés dans un angle. Debout dans la chaire, un pauvre bureau vermoulu, M. Guillard commence la lecture du palmarès. Oh, il n'est pas long. 10 ou 12 noms échelonnés au verso d'un bout de papier, c'est toute la liste. Voici s'avancer en louvoyant la procession des lauréats. Ils sont rayonnants et piteux tout ensemble. Ils tournent machinalement leur béret de laine rousse entre leurs doigts. Leur démarche a quelque chose de l'allure dégingandée des oiseaux de falaise lorsqu'ils cheminent à terre, les ailes pendantes. Parfois, il arrive que l'élève désigné ne réponde pas à l'appel de son nom. Une voix, alors, jette dans le silence. « Il est en mer !» Et ces mots si simples, « en mer !» communiquent soudain à nos âmes je ne sais quel frisson. L'humble classe s'est comme transfigurée. Il semble que nous y respirions toute la poésie aventureuse, toute l'héroïque ivresse du large. Le large, mais il est là, tout proche. Nous en pouvons, par les fenêtres ouvertes, suivre au loin l'immense courbe dorée. Des cotres grésillons passent dans le champ de notre vue, toutes voiles au vent, leurs tangons de pêche pointés comme deux antennes. Tout ce grandiose du dehors emplit la misérable pièce où nous sommes venus nous asseoir pour une heure, lui prête une majesté singulière, en fait comme le vestibule de l'infini. La cérémonie close, M. Guillard nous donne, pour nous piloter dans l'île, un de ses jeunes apprentis pêcheurs. C'est un garçonnet d'une quinzaine d'années à peine, mais qui n'en compte pas moins à son actif 4 campagnes de thon. Il nous dit, chemin faisant, les joies et les angoisses du métier, les longues navigations errantes pendant des semaines, des mois même, à des 100 et des 200 lieues, souvent jusque dans les parages inhospitaliers de la côte de Biscaye. Il nous dit les grosses lignes qui traînent, fixées au tangon et appâtées avec de la peau d'anguille, quand ce n'est pas avec une feuille de maïs ou, moins encore, avec un simple chiffon. À l'extrémité de chaque tangon, monsieur, il y a une clochette qui avertit, dès que le poisson a mordu, car en se débattant, il l'a fait tinter. On laisse le thon danser un instant, jusqu'à ce qu'il soit à bout de force, puis on l'amène. Une fois qu'il est hissé, on l'éventre. C'est une bête singulière. Elle a plus de sang qu'un homme. J'ai vu des moments où le pont n'était qu'une mare rouge qui, à moi, me montait aux chevilles. On se fût cru dans une bataille pour de vrai. Sa voix vibre d'une exaltation contenue en évoquant ces grands carnages atlantiques. Et par une association d'idées bien bretonnes, « Vous a-t-on jamais compté, nous demande-t-il, comment les femmes de chez nous mirent un jour les Anglais en fuite ?»« Voilà, c'était il y a très longtemps. L'amiral des Saozons croisait avec toute sa flotte dans les eaux de Groix. Les chaloupes grésillonnes avaient appareillé pour la pêche les jours d'avant. Donc, pas un homme validataire, hormis le curé. L'amiral jugea l'occasion propice de tenter un débarquement. Déjà, ses vaisseaux s'avançaient en ligne. Cependant que les Iliennes, consternées, se réfugiaient à l'église de paroisse. Elles y trouvèrent le recteur, Don Luzel, debout sur les marches du chœur. Si pressant que fût le péril, son visage ne manifestait aucun trouble. Les Iliennes pleuraient et se lamentaient. Il les calma du geste. « Femme, prononça-t-il d'un ton aussi paisible que s'il se fût agi du prône habituel à la messe du dimanche. Nous allons d'abord réciter un pater et prier saint Tudy qu'il nous soit en aide. » L'oraison dite, il se tourna de nouveau vers l'assistance. « Maintenant, vous allez, s'il vous plaît, m'obéir de point en point. Vieilles et jeunes, que chacune de vous rentre en son logis, qu'elle dépouille coiffe, cotte, jupon et revêtent des habits d'homme. Avant un quart d'heure, il faut que vous ayez toutes les braies aux jambes et le suroît en tête. » Les femmes s'entre-regardaient, se demandant si le bon prêtre n'avait pas la cervelle chavirée. « Cela fait, continua-t-il, vous prendrez vos barattes à beurre, vos ribots, et vous les irez disposer en hâte sur les sommets culminants de l'île, à Kilhuit, à Kerlerette, à Kernédan, au Moustéro. Quand vous les aurez braqués face aux Anglais, tenez-vous massés derrière, et ne vous inquiétez plus de rien, Dieu fera le reste. » Ce que Don Luzel avait prévu se produisit. L'amiral des Saozons tomba dans le piège. Il prit les ribots pour des canons et, persuadé qu'une artillerie nombreuse s'apprêtait à lui faire accueil, il donna l'ordre de virer de bord. Les Grésillonnes, depuis ce temps, n'ont jamais eu de ses nouvelles. Ainsi bavarde gaiement notre guide. Nous faisons halte, un instant, sous les vieux ormes ébouriffés qui ombragent la place du bourg. C'est la seule oasis de cette grande terre chauve. Des vieilles tricotes assises sur des tabourets bas. Des fillettes jouent aux osselets sous le porche de l'église. Un douanier flâne, les mains au dos, avec cet air de héron pensif que donnent aux gens de sa profession les mélancoliques stations nocturnes le long des côtes. Autour de nous sont les maisons du village, trapues, cossues, avenantes. Des jardinets les précèdent, où poussent à ciel ouvert des plantes exotiques, des ficoïdes, des bégonias, des figuiers de Barbarie, des lauriers éteints. Toutes ces demeures blanches, silencieuses, respirent une paix coquette et comme une élégance fleurie. De minces ruelles vont s'étoilant dans toutes les directions. Celles où nous nous engageons mènent vers le sud. Nous voici dans la région des cultures. Sans cesse, nous croisons des groupes de femmes occupées à ramasser des patates dans le creux de leur tablier. C'est à elles qu'incombent ici, comme dans toutes les îles bretonnes, les soins de la terre. Elles y vaquent d'ailleurs avec une singulière beauté de gestes et d'attitude, et ni la sveltesse de leur taille, ni la finesse nerveuse de leurs mains n'en paraissent déformées. Une d'elles, qui chantonnait d'une voix merveilleusement pure et profonde, se tait à notre approche, et, comme nous la prions de poursuivre, « Hola ! » répond-elle avec une moue hautaine. « Ma chanson n'est pas pour les passants. Non, elle est pour Pierre Lopez !» riposte notre guide. Et il se sauve en riant, tandis que la jeune fille, riant aussi, lui lance une pomme de terre qui fait partir un vol d'alouettes marines des chaumes d'un sillon voisin. Des bornes minuscules marquent la limite de chaque propriété, réduite le plus souvent à quelques acres. Rien ne rompt l'uniformité de la vaste plaine nue, si ce n'est, de place en place, la silhouette d'un calvaire veillant, comme l'Hermès antique, sur les labours confiés à sa garde. Elles sont légions, ces croix. Elles peuplent l'étendue. Lilienne invoque le matin leur bénédiction sur sa tâche et se signe devant elle le soir, dès que l'angélus crépusculaire a teinté pour le repos. À la lisière de la zone arable, nous entrons dans le pâti communal. Des vieux, retraités de l'océan, y font paître, au bout d'une longe, des vaches qu'à l'exiguïté de leurs proportions, comme aux fantaisies de leur humeur, on prendrait plus volontiers pour des chèvres. L'homme et la bête ruminent côte à côte, tandis que l'une remâche son herbe, l'autre remâche ses souvenirs. Un de ces vétérans de la mer se plaint à nous de sa déchéance. « C'est triste, allez, après avoir manœuvré les coutes de la grand voile, de n'être plus bon qu'à tenir un licol. » Par-delà le cercle miroitant des eaux, ses yeux, où le regard achève de s'éteindre, remontent vers ses navigations anciennes, vers les grandes houles bleues qu'argentent le sillage des tonniers et que ses prunelles, à lui, ne contempleront jamais plus. C'est notre dernière rencontre. Nous sommes à présent hors de toute humanité, en pleine steppe vierge. De courts ajoncs embroussaillent le sol maigre, s'y cramponnent de toute la vigueur obstinée de leurs sarments, s'efforcent péniblement de fleurir. Puis ce sont des touffes de plantes barbelées, puis la précaire végétation des roches, les romarins, les lichens, les saxifrages. Après, plus rien. On plane sur le vide. On se sent devenir impondérable. On est comme la fumée de ce vapeur qui passe. On flotte, dissous dans le vent, dans le soleil, dans la mer. D'une faille à nos pieds s'exhalent des sanglots immenses, comme si quelque titan agonisait là, écrasé sous la masse du promontoire. Le trou de l'enfer, nous dit le garçonnet. On les compte par centaines au long des côtes bretonnes, ces enfers. Celui-ci ne retentit point des hurlements désespérés que font entendre, à Plogoff, les damnés du rat, mais il ne laisse pas d'être d'une belle horreur. Pendant que nous nous penchons pour sonder l'abîme, notre guide a subitement disparu. Et voici que des profondeurs du gouffre, une voix s'élève, entonnant la célèbre complainte des trois matelots de Groix. Ils vantent, c'est le vent de la mer qui nous tourmente. Nous écoutons, frémissant, la poitrine oppressée d'une indicible angoisse. Élargie, amplifiée, décuplée par un écho fantastique, la voix n'est plus une voix, mais tout un cœur, l'infini lamento des âmes vouées à toutes les détresses du vent, de la mer et de la mort. C'est avec une impression de soulagement que nous quittons ces lieux redoutables. Un vallon sauvage fait brèche dans le rempart des falaises. L'air y est d'une douceur de velours. Un filet d'eau courante glisse parmi les menthes et les sauges amères, avec un chuchotement discret. La pente aboutit à une crique de sable multicolore au fond d'un fjord enchanté. Il semble que l'Atlantique se soit plu à sculpter cet abri pour quelque océanie des prises de silence et de repos. La solitude y est éternelle. Les goélands eux-mêmes respectent l'inviolabilité de ces parages. Chateaubriand dirait que le génie du calme en a fait sa demeure. Les grésillons désignent cette retraite sous le vocable de Port Saint-Nicolas. Mais pour rien au monde ils n'y aventureraient leur barque. Une sorte de prohibition mystérieuse les en tient éloignés. Une fée, croit-il, habite là, celle-là même, je pense, qui a donné son nom à leur île et dont on voit encore, les nuits de lune, onduler le beau corps souple au bercement des houles endormies. À travers le golfe. Que je sais donc de gré à l'Union régionaliste bretonne d'avoir fait figurer cette excursion sur le golfe dans son programme. Le rendez-vous est à 6 heures précises du matin sur la Rabine. Au petit jour, nous dévalons par bande de la haute ville à travers les vieilles rues vannetaises, encore ensommeillées. L'aube, dans le pur ciel d'août, est d'une grâce toute mythologique. Elle se dévêt avec une langueur charmante, laisse tomber une à une ses mousselines argentées, tissées des brumes de la nuit. Un steamer, mandé de Belle-Île, nous attend à quai. On dirait à première vue quelque aviso de l'État. Tout l'avant est, en effet, couronné d'une guirlande de col bleu, des adolescents, des enfants même pour la plupart, que surveillent 4 ou 5 personnages galonnés. Serait-ce un détachement de l'école des pupilles ou de l'école des mousses? Mais non. Sur le rebord du béret, on lit « Colonie maritime ». Et j'apprends que c'est l'Orphéon du pénitencier de Belle-Île, obligeamment mis par le directeur, M. Perron, à la disposition de la caravane nautique. Heureuse pensée où chacun trouvera son compte. Les jeunes détenus vont savourer les délices de quelques heures de vacances et nous aurons, nous, de la musique sur la mer. À la coupée du vapeur se tiennent les commissaires des fêtes, parmi lesquels M. Lebeau, le distingué rédacteur de l'Avenir du Morbihan, un journaliste, entre parenthèses, qui ne fait point mentir son enseigne. Car le Morbihan, c'est-à-dire la petite mer, n'a pas de pèlerin plus passionné ni de zélateur plus énergique. « Je suis un fanatique du golfe, » me conte-t-il, tandis que nous prenons place. « Plus je le parcours, plus il m'enchante. Il n'a pas un recoin qui ne me soit familier, et cependant il m'est toujours nouveau. Le revoir, pour moi, c'est le découvrir. N'est-ce pas à cela que se reconnaît le véritable amour ? Et il ne l'aime pas seulement pour sa beauté, pour sa ciselure, la délicate orfèvrerie de ses rivages, pour l'égrènement harmonieux de ses îles, pour les chatoyantes nuances de ses eaux et les irisations de ses courants. Il l'aime plus encore peut-être pour les éléments de prospérité qu'il renferme, pour l'activité féconde qu'on verrait naître sur ses bords si l'on se donnait la peine de la provoquer. Cette mère morte, comme il l'appelle non sans tristesse, il suffirait de quelques capitaux sagement employés pour la transformer en une puissante source de vie, et c'est l'avenir que M. Lebeau, avec une persévérance que rien ne décourage, travaille depuis des années à rendre prochain. La sirène du Solacroup a déchiré la grande paix ensoleillée du matin. La fanfare joue un air de marche et nous commençons à descendre vers l'embouchure de l'estuaire, entre des berges plates que prolongent, à droite, des lointains boisés. À gauche, des étages de collines vaporeuses dominées, sur les confins de l'horizon, par la ligne imprécise des landes de Lanvaux. Nos hôtes ont songé à tout, même à nous munir d'un bréviaire de voyage contenant l'indication des lieux devant lesquels nous passons, et c'est comme une volupté des lèvres de les murmurer à mi-voix tous ces noms chantants, l'Armor, Roguedas, Aradon, Ilure. Cette haute flèche, plantée là-bas comme un gigantesque amer, c'est la tour de Séné. Les ardoises claires de la bourgade brillent comme des écailles de poissons d'argent. De la baie qui s'ouvre à côté, s'envolent journellement les barques synagogues, tendant au vent qui souffle leurs deux carrés de toile brune, leurs deux ailes, inélégantes peut-être, mais trapues. Des gens à part, ces synagogues. Ils ont conservé les mœurs de Lacustre, habitent à vrai dire le golfe dont leurs femmes fouillent les vases, tandis qu'ils en écument les eaux. En matière de pêche, ils en sont restés aux conceptions préhistoriques. Ils ne connaissent ni règlement ni loi. La mer, pour eux, est à qui l'occupe. Ils la couvrent de leurs 500 bateaux et y règnent, en dépit des gardes-côtes, par droit de conquête. Ils exercent la piraterie avec ingénuité. Ils sont forbans par vocation. Ils n'ont, je crois, d'analogue en Bretagne que les fameux gars de Kerlor dans la rade de Brest. D'ailleurs, marins intrépides et pêcheurs consommés. Comment ne le serait-il pas à fréquenter cette petite Méditerranée armoricaine, la plus capricieuse, la plus instable des mers, et où la nature semble avoir pris plaisir à concentrer toutes les espèces de péril, aussi bien que toutes les formes de beauté? L'antique légende de Protée devient ici une réalité vivante. Nous n'avons pas plutôt franchi les rapides de Conlo que nous entrons en pleine fantasmagorie. À chaque tour d'hélice, pour ainsi parler, nous voyons paraître les mêmes choses sous 4 ou 5 visages différents. Les images se construisent et se défont avec une prestesse qui tient du prodige. Quelle baguette merveilleuse fait naître et s'évanouir de la sorte cette série incessante de créations instantanées que d'autres tout à coup remplacent. Les îles ont l'air de s'animer, d'évoluer, de voguer vers nous comme un cœur de cyclades vagabondes. D'aucunes évoquent à l'esprit les îles flottantes du Mescacébé de Chateaubriand. Elles ne sont point fleuries comme leurs sœurs du Nouveau Monde, de Nénuphar et de Pistia. Mais les bois de pin qui les couronnent répandent jusque dans la mer leurs chevelures embaumées. Tout cela, par cette calme journée d'août, est d'une grâce incomparable. Les écueils eux-mêmes font penser à des Néréides qui fendraient l'eau d'un geste charmant. Mais à la force, à la vitesse des courants qui veinent de leurs marbrures entrecroisées la chatoyante surface du golfe, on ne laisse pas de pressentir de quelle violence soudaine il est capable, pour peu qu'un caprice des éléments réveille les formidables puissances de destructions endormies dans ses profondeurs. Il n'est pas un de ces champs d'ondes lisses, pas un de ces larges miroirs rayonnants qui ne recouvrent quelques cimetières de barques mortes et d'équipages sombrés. On me montre du doigt une toison d'écume blanche, frisottant sur l'eau bleue, presque à l'entrée du goulet, et l'on me dit « c'est le mouton ». Ne vous fiez pas à ce nom idyllique. Il a dévoré des milliers d'existences humaines, cet agneau, et l'on cite encore des formules d'incantation que les Arzonaises lui adressaient comme à une espèce de licorne sanguinaire pour conjurer ses maléfices. Devant Locmariaker, nous stoppons. C'est le moins que nous allions saluer dans la lande où il gît, séparé en 4 tronçons, le patriarche des mégalithes, le roi foudroyé des menhirs. Mais l'accostage est loin d'être facile. Locmariaker, en effet, obstrué par les vases, ne devient un port accessible qu'à marée haute. Vous saisissez ici une preuve, entre mille, de l'incurie que je vous signalais, nous fait observer Monsieur Le Beau. Et certes, il serait fort simple et, somme toute, peu coûteux d'ouvrir dans cette bourbe un chenal navigable jusqu'au môle. L'étonnant, c'est qu'on ne s'en soit pas encore avisé et qu'on laisse péricliter un havre, autrefois sans égal dans l'histoire de nos fastes maritimes, s'il est vrai, comme l'affirment les archéologues, que l'antique Dariorigum s'éleva sur ses bords et qu'il fut témoin du formidable choc des prames vénètes contre les vaisseaux latins. Nous finissons, quant à nous, par y atterrir dans des plates, non sans avoir failli nous échouer plus d'une fois. Et, naturellement, c'est par le nom de César que nous sommes accueillis. Son ombre plane sur toute cette contrée. Du haut de cette butte, il surveilla, plein d'angoisse, les péripéties du combat. Vainqueur, il se reposa de ses appréhensions et de ses fatigues sous la table de ce dolmen. Cette fillette en haillons qui paie son troupeau dans la dune vous parle de lui comme si elle l'avait connu. Ne soyez pas trop surpris si l'on vous conte que c'est lui encore qui fit mettre en pièces le menhir de Manerwek. La colossale statue du géant de pierre offusquait, paraît-il, le chétif impérator. C'est, on s'en souvient, ce menhir monumental que l'amiral Réveillère souhaita tout récemment de reconstituer et de faire dresser en plein Paris, dans le Paris de l'exposition, comme le symbole impérissable de l'éternité du génie celtique. Les gazettes s'émurent, les unes pour applaudir au projet, les autres pour s'engausser. Il y en eut même qui s'indignèrent. En fin de compte, force fut à l'amiral de se retirer sous la tente avec son rêve, et l'immense granit déchu continua de joncher de ses ossements épars la lande de Locmariaker, où ils fournissent aux moutons un peu d'ombre, aux poètes un thème à méditation grandiloquente, aux touristes sans lettres un rempart naturel qui leur permet de déjeuner sur l'herbe à l'abri du vent. « Pensez donc, me confie un indigène, il est notre richesse, ce menhir. Sans lui, sans César et sans nos huîtrières, qu'est-ce que nous deviendrions ?» Le large maintenant, Houad, Houadic, les deux îles jumelles s'estompent en une fumée flottante vers le sud. Le phare de la Ténouse monte au loin sa faction solitaire sur un récif à mine inhospitalière et maussade, bien digne de son nom hargneux. La mer autour de nous irradie. La côte vannetaise n'est plus qu'un trait imperceptible dans le poudroiement doré de l'horizon septentrional. Nous faisons cap sur Port Halligen. Comme nous en approchons, voici grandir sur la splendeur des eaux une vision presque irréelle de navire qui éveille en nous un monde de réminiscences classiques, nous donne un instant l'illusion que nous croisons quelques somptueuses galères paraliennes attendant de se mettre en marche vers Délos. Qu'est-ce que cela peut bien être? Les marins du Solacroupe ne se le sont pas demandé deux fois. Cette mâture élancée, ces hautes vergues où les voiles carguées font l'effet d'une suspension de blanches draperies, ces hunes aériennes, cette profusion d'échelles, de câbles, de cordages, tout ce gréement, enfin, si harmonieux et si compliqué tout ensemble, il n'y a plus en France qu'une frégate à qui ce signalement convienne. Des vivats éclatent à notre bord, tandis que, des haubans de la Melpomène, des nuées de gabiers bretons nous renvoient, dans tous les dialectes de la péninsule, notre salut. Le programme de la fête veut que nous touchions à Quiberon. J'avais visité, naguère, un jour d'hiver sous la pluie, cette loque de terre décharnée. Au sortir des landes de Plouarnel et de Carnac, désolées sans doute, mais que peuplent du moins leurs énigmatiques processions de pierre, cette longue côte sournoise, aplatie et comme rampante, m'était apparue d'une sauvagerie sinistre, dénuée de toute poésie et de toute grandeur. Il en est de certains paysages, comme de certaines physionomies, qui semblent marquées, par avance, pour quelque atroce fatalité. L'échine basse de Quiberon dut appeler de tout temps les débarquements furtifs et sans gloire. Il y a comme une harmonie préétablie entre cette terre et le cauchemar historique qui pèse sur elle. J'en reçus dès l'abord une impression de malaise qui, dans la suite de la journée, ne fit que s'accroître. J'avais en poche quelques mots de recommandation pour un pêcheur aisé, dont l'aide, m'assurait-on, me faciliterait les moyens de faire une connaissance immédiate avec la contrée. Ma chambre retenue à l'hôtel, je me mis en quête de ce brave homme. « Les Falkers ?» m'avaient répondu des gamins, en me montrant l'Occident d'un geste vague. « C'est là-bas, dans la falaise !» Je pris le premier chemin qui s'offrait dans cette direction. Une pluie fine, couleur de cendre, que les grands souffles du large chassaient en tourbillon de poussière d'eau, enveloppait toute chose comme des plis détrempés d'un crêpe. J'allais devant moi au petit bonheur. La sente que je suivais, flanquée à droite et à gauche de murets croulants, décrivait les zigzags les plus fantaisistes et, à tout moment, menaçait de me fausser compagnie, de me planter là, en détresse, au milieu de l'immense pays noyé. Deux ou trois fois, une plainte plus sourde, plus continue que celle du vent, m'avertit que je côtoyais le rivage. Une énorme masse rectiligne surgit soudain du brouillard. J'étais au pied du fort Penthièvre. J'interrogeai le soldat de garde. Il m'apprit que je tournais le dos au point que je désirais atteindre. Et me voilà de recommencer à rebours un bon tiers du trajet parcouru. Au terme de cette décevante pérégrination, m'attendait une bien autre aventure. Lorsque je fus, en effet, pour franchir le courtil sablonneux qui donnait accès au seuil des Falkers, je ne fus pas peu surpris d'apercevoir les chandelles allumées derrière le rideau des vitres, quoiqu'il fît encore jour. Je heurtai à la porte. Une jeune fille aux yeux rougis de larmes vint m'ouvrir. « Samuel Falker, s'il vous plaît. »« C'est ici, monsieur, » me répondit-elle en breton. Je me trouvais dans la cuisine toute pleine de gens agenouillés. Une vieille près de l'âtre récitait les prières des agonisants. Dans un retrait, contre la fenêtre, sur la table drapée de blanc en guise de lit funéraire, reposait un homme d'une cinquantaine d'années, une figure énergique de marin, aux traits de parchemin durci, immobilisé, pétrifié par la mort. Penché sur lui, un barbier achevait sa toilette d'éternité. On entendait grincer le fer du rasoir. J'embrassai la scène d'un coup d'œil rapide. Un douanier venu en voisin pour jeter de l'eau bénite sortait. Je profitai de ce que ma présence n'eût pas encore été remarquée pour m'esquiver avec lui. Le trépassé, serait-ce le maître de la maison ? Demandai-je. Lui-même, un coup de sang. Il rentrait de pêche. En mettant le pied sur le môle, il s'est abattu comme un bœuf. Je m'en revins avec le douanier jusqu'à la bourgade. Sans lui, je crois bien je n'aurais jamais su regagner mon gîte. Toute la nuit, le vent souffla en tourmente. Dans les intervalles d'accalmie, je m'imaginais ouïr des appels, des rumeurs de foule, bientôt évanouies, perdues dans le râle effrayant de la mer. Je m'enfuis à l'aube, dans la stupeur du crépuscule matinal, sous un ciel livide, un ciel tragique, dévasté comme un champ de carnage. C'est un quiberon d'été qui s'exhibe aujourd'hui à notre vue. Nous nous y acheminons par une route poudreuse, jalonnée de villas trop neuves qui sentent le campement, le logis de passage, et dont les architectures de banlieue parisienne détonnent sur ce sol âpre, dans cette espèce de Bretagne pétrée, plus morne encore peut-être sous les ardeurs du soleil d'août que sous la tombée lugubre de l'embrun de novembre. Un casino nous envoie des musiques tapageuses et des chants de cabaret montmartrois. Des baigneurs, des baigneuses, promènent, à travers l'aridité des landes et des sables, leurs costumes multicolores, leurs désœuvrements et leurs journaux. Mais que tous ces bruits, tous ces spectacles de la vie civilisée, semblent donc ici déplacés et piteux. Loin d'animer la solitude, ils la font paraître plus vide, plus sauvage, plus abandonnée. La lumière darde, implacable, elle flagelle la presqu'île de ses feux irrités. Elle s'acharne, dirait-on, à en exagérer toutes les tares, toutes les lèpres. Entre les clôtures de pierres sèches, se meurt une végétation malade dans une terre appauvrie. C'est la même tristesse accablante qu'à mon premier voyage. Seulement, au lieu d'un désert de boue, c'est un désert calciné. Aussi, quel allègement de retrouver la mer, la brise, et d'entendre courir à nouveau le sonore frémissement des eaux du golfe dans le sillage du sol accroupi. Nous n'avons fait à l'aller que contourner les îles morbihanaises, dont le nombre, s'il faut en croire les riverains, égale celui des jours de l'année. Mais le retour comporte une escale dans l'une d'elles, et il va sans dire que l'on n'a pas choisi la moins attrayante. Les Français l'appellent l'île aux moines. Des religieuses en furent, paraît-il, les premiers colons. Elle est digne d'avoir été visitée par saint Brandan et par les 17 compagnons qui l'entraînaient à sa suite sur les mers, car c'est vraiment une de ces terres de promission célébrées dans les anciennes odyssées celtiques, où il suffisait, au dire de nos pères, d'avoir séjourné quelques heures pour que les vêtements en restassent parfumés à jamais. On me conte sur elle des légendes exquises, pendant que je regarde sa forme encore lointaine se détacher peu à peu de l'archipel qui lui fait escorte. La tradition veut qu'elle ait été reliée jadis à l'île d'Ars par une chaussée dont on explique ainsi la disparition. Il y avait à l'île d'Ars un jeune homme de haute lignée qui s'était épris d'une fille de pêcheur. Elle était belle et chantait à voix merveilleuse, à voix de sereine, comme parlent les vieux poètes, et elle avait si bien ensorcelé le jouvenceau qu'il se mourait du désir d'en faire sa femme. Les parents de celui-ci, pour le préserver de cette mésalliance, eurent recours au moyen le plus énergique. Ils l'enfermèrent au couvent de l'île aux moines, aimant mieux le donner à Dieu que de le voir à une fille de basse espèce. Mais la pêcheuse, sous prétexte de faner du goémon ou de ramasser des palourdes, venait chanter jusque sous les fenêtres de l'abbaye, et nulle muraille n'était assez épaisse pour empêcher sa troublante cantilène d'arriver jusqu'au reclus, en qui elle réveillait, au grand scandale des autres moines, toutes les fureurs et toutes les mélancolies de la passion contrariée. C'était une hantise, une possession. Ni prière, ni conjuration n'y faisait. Alors, le père abbé se résolut d'employer les voies extraordinaires. Il invoqua, par des oraisons appropriées, les puissances destructrices du golfe. Le résultat ne se fit pas attendre. Le matin suivant, quand la pêcheuse voulut gagner l'île aux moines pour s'y livrer à ses exercices quotidiens, au lieu de la chaussée qu'elle avait coutume de prendre, elle trouva devant elle une barrière de flots écumants. La mer, dans la nuit, avait rompu l'isthme. La malheureuse, de désespoir, s'y précipita, et les Bretonnes de cet autre et l'Espon. Sa plainte d'amour, toutefois, ne s'éteignit point avec elle. Le passeur qui fait le service de l'île d'Ars au havre de Kernay, dans la Grande Terre, vous affirmera qu'au soir de calme, il s'est souvent oublié, la rame suspendue, à écouter les sons délicieusement tristes d'une voix de femme qui semblait monter du fond des eaux. L'histoire ne dit pas si le jeune moine se consola de survivre à celle qu'il aimait. L'aventure, en tout cas, ne porta point bonheur à la congrégation. Poursuivis peut-être par la rancune de la sirène, ses membres se dispersèrent. Bientôt, on ne se souvint pas plus d'eux que s'ils n'eussent jamais existé. De l'établissement considérable qu'ils avaient fondé, il ne reste plus trace. Les siècles en ont effacé jusqu'aux ruines. L'île a même rejeté l'appellation qu'elle tenait d'eux et repris son nom primitif, son nom gracieux d'Iséna. Elle achève de se dessiner à notre vue, couchée, les bras en croix, sur le satin mouvant du golfe. Des bouquets de pins parasols éventent son front de leur panache frémissant. Elle a l'air de dormir en une pose charmante de langueur et d'abandon. Les accents de notre fanfare la réveillent, car nous nous avançons vers elle en musique, avec la solennité d'une théorie de pèlerin de la mer abordant une terre sacrée. Et soudain, la voici qui s'anime et qui nous sourit. Du creux fleuri de ses vallons et du faîte onduleux de ses collines, elle délègue à notre rencontre ses vieillards et ses jeunes filles. Quant à ces jeunes hommes, ils courent le monde et partent sur tous les océans. Marins de l'État ou du long cours, les ailes ne leur ont pas plutôt poussé qu'ils s'envolent. Que s'ils reparaissent de temps à autre dans l'île natale, ce n'est que pour y construire un nid, épouser en hâte et repartir. Leur troupe fugitive, me dit un ancêtre, ne perche parmi nous que comme les goélands. À mesure que nous débarquons, le maire, un vénérable chef de clan, nous souhaite la bienvenue à la manière antique. Sa parole, son geste sont d'une gravité, d'une douceur et d'une noblesse toute patriarcale. Derrière les anciens qui l'accompagnent, s'étagent en groupes harmonieux, semblables à des corbeilles de fleurs éclatantes, les Iliennes ou, comme on s'exprime ici, les Iloises. Un vieux maître au cabotage trégorois, dont les récits ont enchanté mon enfance, ne parlait jamais des filles de l'île aux moines sans qu'une sorte de béatitude extatique se répandît sur ses traits. Ils n'avaient fait relâche dans leur pays qu'une seule fois. Il y avait de cela plus de 30 ans. Mais l'impression qu'elle lui avait laissée demeurait dans sa mémoire de routier des côtes, aussi vive, aussi fraîche, aussi enthousiaste qu'au premier jour. Il ne trouvait pas d'image assez brillante pour les peindre. « Figure-toi les princesses des contes, » me disait-il, « avec quelque chose de plus fier encore, une démarche plus souple et plus de beauté. » Tout n'était pas illusion et mirage dans ces effusions dithyrambiques du vieux caboteur. Les Iloises ont vraiment un charme qui n'est qu'à elles. Qui ne les a point contemplées, ces patriciennes de la mer, ignorent les exemplaires les plus parfaits de notre race. Elles ont je ne sais quelle élégance archaïque. Elles font songer aux dames courtoises tant célébrées dans les antiques laits bretons. Le corps jean et basse la hanche, le col plus blanc que neige blanche. On a le sentiment qu'elles appartiennent à une autre forme de civilisation, qu'elles sont les héritières d'un long passé, d'une mystérieuse floraison de poésie et de rêves. Elles sont venues au-devant de nous en leurs frais atours des dimanches, et c'est merveille de voir avec quel art tout naturel et tout spontané la grâce du costume se marie à la grâce de la personne. La coiffe de fine dentelle, aussi légère qu'une résille, encercle le front comme un diadème. Le buste se drape dans un châle étroit qui n'engonce point la taille, ainsi qu'en trégor, mais plutôt la dégage en se modelant sur ses contours. La robe, de nuance claire, laisse par l'ample évasement des manches apercevoir jusqu'au coude la blancheur fuselée des bras. Car ces Iliennes-ci sont d'une caste à part. Elles ne vivent point, comme leurs sœurs des autres îles, courbées sur le sillon patrimonial. Les besognes serviles ne sont point leur fait. Pour tout ce qui regarde le soin des cultures, elles s'en remettent à la race inférieure des terriens, mercenaires agricoles, gagés sur le continent, lesquels émigrent à époque fixe, tantôt d'Aradon, tantôt de Ruy, et sont à l'indolente Iséna ce que les Lucquois sont à la Corse. Je demande à la toute jeune femme d'un capitaine long courrier « À quoi passe votre temps l'absence de votre mari ?»« À l'attendre, » m'est-il répondu. « Et il semble bien, en effet, qu'elle ne se conçoive, pour la plupart, d'autres fonctions que de veiller sur l'âtre désert, d'entretenir la vesta domestique et de perpétuer intact le beau sang de leurs aïeux. » Notre cortège s'ébranle vers Lomiquel, le chef-lieu de l'île, aux sons aigrelets d'une cornemuse. La route traverse le pays le plus varié, le plus changeant, entre des pelages dorés de collines, mouchetés de vertes oasis. Partout des maisons d'autrefois, de vieilles gentilhommières à tourelles basses et à pignons pointus, fleuries jusque sur leurs toits d'ombilis, d'étoiles des grèves, de lichens, et dont les cheminées, soigneusement crépies à la chaux, resplendissent comme de blancs amers dans le soleil. Des murs en pierre de taille entourent ces espèces de bastides bretonnes. Par le porche cintré, l'œil plonge dans une cour solitaire, un patio plein de silence et de fraîcheur, qu'ombrage des arbres bibliques, des figuiers et même des sycomores. Comme je m'arrête pour lire une inscription commémorative sculptée dans le linteau d'une porte, une matrone en deuil me prie d'entrer. « Vous ne pouvez point moins faire, monsieur, par cette chaleur que d'accepter un coup de vin de Sarzeau. » Elle m'introduit dans une pièce aux boiseries peintes, sorte de salon rustique et de musée des souvenirs. Les parois sont ornées de photographies aux daguerréotypes où achèvent de s'effacer des traits de marins disparus. Sur les étagères d'angle trône un monde, pieusement épousseté, de choses exotiques, coffrets de lacs, éventails d'ivoire, figurines japonaises ou chinoises, petits bouddhas de jaspe vert, pareils à des rainettes accroupies et ventrues. Et c'est encore, de ci de là, une profusion de plantes et de bêtes marines, des raisins des tropiques cueillis durant la traversée des sargasses, des ailes de poissons volants aussi transparentes qu'une lame de mica, des conques enfin, d'énormes conques, roses comme des chairs d'enfants, et restées bruissantes, dirait-on, de la rumeur des alizés au large des mers australes. Les meubles même racontent des navigations lointaines, les odyssées des pères et des fils au pays du palissandre, de l'ébène et du bois de santal. Cependant que j'exprime à mon hôtesse le ravissement dont j'ai été transporté dès mes premiers pas dans l'île, elle hoche la tête doucement. Une île fortunée, certes. Nul autre n'a, plus qu'Iséna, mérité ce titre. Elle le justifiait encore il y a 30 ans. C'était bien la perle du golfe, comme la définissait un de nos meilleurs poètes de la langue vannetaise, l'abbé Joubiou. Hélas, monsieur, la perle, depuis lors, a perdu ce qui faisait son éclat. Vous êtes émerveillé, dites-vous, de cette air d'aisance, de luxe même, que tout respire ici, les gens et les choses. Un temps fut, oui, cette prospérité fut réelle, mais il ne nous en reste plus que l'ombre. Nous tâchons sans doute de sauvegarder les apparences. On a sa fierté. On ne se résigne point à déchoir. Un passant, un étranger peut s'y méprendre. Mais au fond de plus d'une demeure riante, si vous saviez que de misère cachée, nous mourons d'un mal sans remède. Le règne de la vapeur nous a tués. Jadis, il n'était point parmi nous une famille qui n'eût à elle sa goélette, son brick ou son trois-mâts. Le pavillon de l'île aux moines était connu sur toutes les côtes. La veille des départs en campagne, on rompait un pain béni. Les maris en emportaient une moitié, les femmes conservaient l'autre. C'était le pain du souvenir. Nous avions foi dans ce symbole. Il nous ramenait nos absents sains et saufs, et avec eux la joie, le bien-être, la richesse. Aujourd'hui, tout cela n'est plus. Pour revoir la flotte d'Iséna, il nous faut maintenant fermer les yeux. Elle ne déploie dorénavant ses voiles que dans nos rêves. Elle a été vendue à l'encan ou débitée comme bois à feu. Pour nos jeunes gens, ceux d'entre eux qui naviguent encore se vouent au service de l'État, de sorte qu'ils s'en vont pour jamais. Rarement ils nous reviennent. Ils se font leurs habitudes dans les ports où ils sont attachés, épousent des Brestoises, voire des Toulonnaises. Et pendant ce temps, nos jeunes filles, condamnées à une vie sans amour, réduites à pleurer leur beauté inutile, fredonnent désespérément le long des grèves ce refrain qui fit danser leurs aïeules. « Goéland, goéland, ramenez-nous nos amants !» Quand l'Illoise se lève pour me reconduire, il me semble qu'en ses longs vêtements noirs, c'est tout le passé de sa race dont elle porte le deuil. Pour dissiper l'impression de mélancolie que m'ont produite ces paroles, ce n'est pas trop de la lumière et de l'allégresse du dehors. Au pied d'un moulin à vent, crénelé comme un donjon, et qui remplit la lande du froissement sonore de ses toiles, un farinier couché dans l'herbe m'indique du doigt la direction suivie par mes compagnons. Je les rejoins à temps pour visiter avec eux l'enceinte celtique de Kergonan. En nulle autre région, peut-être, pas même à Carnac, au tombé du crépuscule, je n'ai été touché davantage de la muette éloquence de ces vieilles pierres sacrées. Elles forment ici un cercle imposant, ont vraiment l'air sur ce haut lieu d'une assemblée d'idoles barbares, figées là dans un conciliabule éternel. Il ne m'étonne point qu'on les ait entendues, comme on le raconte, deviser entre elles, à la lune, d'événements plus anciens que les âges, et se donner les unes aux autres des noms qu'il n'y a pas de mémoire humaine à pouvoir retenir. S'ils prenaient jamais fantaisie aux Bretons armoricains de restaurer chez eux les tournois bardiques, à l'exemple de leurs congénères de Galles, ils ne seraient pas, comme ceux-ci, dans la nécessité de créer une lisse de menhirs artificiels. Le cromlech de l'île aux moines leur fournirait un incomparable, un authentique chant de Gorsed. Au moment où nous y pénétrons, la barbe de lierre d'un des menhirs se soulève et nous découvre, accroupi sur le sol, un informe tronçon d'humanité dont on dirait plutôt, à première vue, quelques crapauds monstrueux, contemporains de l'érection du cromlech. Serait-ce le génie familier, le gnome gardien de ces pierres fées? Demandons-nous, non sans surprise. On nous répond, c'est le tailleur picot. Déjeté, incomplet, avec des moignons en guise de jambes, il n'a conservé d'intact que les bras et la tête. Mais elle est singulièrement expressive, cette tête où toute la vie, à l'étroit dans le corps, semble s'être réfugiée. Encadrée de boucles grisonnantes, le visage est d'une beauté douloureuse et quasi tragique, avec laquelle contraste la douceur, le velouté caressant des yeux, embrumé comme d'une flottante vapeur de songe. Je parlais tout à l'heure de tournois bardiques. Augustin Picot est le barde d'Iséna. Aède et Rhapsode, tout ensemble, ils ne chantent pas seulement ses inspirations personnelles, mais celles aussi des homérides locaux qui l'ont précédé au cours des siècles et dont il se tient pour le légataire pieux en même temps que le continuateur. Toute la somme poétique de l'île vit emmagasinée dans sa mémoire. Par là, ce gnome est bien le gardien d'un trésor. Par là également s'explique l'espèce de vénération que les insulaires lui témoignent. Ce sans famille est de toutes les fêtes, de toutes les solennités familiales. Pas de baptême ni de noces où il ne soit invité. C'est lui qui s'avance en tête du cortège et qui rythme la marche en chantant, balancé entre ses deux piquets de bois. Lui encore qui, dans les veillées funéraires, improvise, au chevet du lit de parade, la mélopée d'usage en l'honneur du mort. Averti de notre venue, il s'est mis en frais pour nous et, d'une voix chaude, au timbre mordant, il entonne, en une sorte de psaume tantôt lent et tantôt fougueux, l'éloge de son île. L'île des îles, pur joyau de la mer profonde, terre unique dont on ne saurait dire quel est son plus beau fleuron, la grâce fière de ses filles ou l'intrépidité de ses gars. Si nous l'emmenions, propose quelqu'un de la bande. Il est entendu qu'il nous accompagnera jusqu'à Vannes et, juché sur ses béquilles, la figure toute illuminée d'aise, il dévale à notre suite vers l'Omiquel. Attablé dans une spacieuse cour d'auberge, parmi des bosquets de lauriers et d'hortensias géants, nous avons goûté au phare national, apprêté à notre intention, tandis que, sur la place du bourg, les Iloises, pour nous donner le spectacle d'une de leurs danses, déroulaient autour de la fontaine publique une farandole un peu traînante, mais d'un mouvement très noble, très chaste et presque religieux. Déjà, les façades blanches des maisons se teintent de mauve aux approches du soir. Un strident coup de sifflet retentit. C'est le solacroup qui nous jette le signal du départ, de l'arrachement. Quelques minutes à peine nous séparent de Port-Hériot, où il est au mouillage. Pour allonger le trajet, nous nous attardons à cueillir des asphodèles, dont les douves du chemin sont tapissées. Les jeunes filles, les enfants nous en offrent des gerbes ou les sèment par poignées sous nos pas. Toute la population s'est rendue sur la cale et, pour gagner le steamer, à l'extrémité du musoir, il nous faut fendre ses rangs pressés. Les coiffes claires, les châles et les tabliers aux mille couleurs forment comme un jardin de féerie sur la mer magnifique. Massés à l'arrière du solacroup qui achève de virer le bord, nous saluons la foule et l'île entière d'un long adieu. Une clameur immense, des chapeaux qu'on lève, des mouchoirs, des ombrelles qu'on agite, nous répondent. Et c'est en vérité un instant inoubliable auquel le déclin de ce beau jour d'été prête je ne sais quoi de plus solennel encore et de plus émouvant. Nous sommes déjà sortis du dédale de l'archipel, qu'Iséna continue de nous apparaître au loin, comme dans une gloire, baignée par les dernières flammes du couchant d'une magique lumière d'apothéose. Et quand, à son tour, elle s'est évaporée dans l'ombre violette du crépuscule, les chants du tailleur à mine de Corrigan sont là pour nous restituer son image, pendant que l'âme apaisée du golfe s'exhale, dirait-on, vers les étoiles en un vague soupir éolien, infiniment voluptueux et doux.